you believe. There's universal justice, and the eyes of truth are always watching you. Thank you. To Stand up. Thank you. si j'ai du mal. Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sale, es-tu diabolique ou divin? suis à toi. Thank you. naked in your head.